ta musique, cette chienne qui rôde autour de moi comme une hyène. Affamée, l'amorosité veut me becquer, mais je dompte le mal-être, être mal. L'habitude qui rend une vie banale, l'extase, une phase qu'on retrouve dans le drogue. Quand l'âme vogue, le glauque s'enfuit, laisse place à la folie, l'ami. C'est parti pour une partie perdue d'avance. Bonne chance, si tu crois toujours pouvoir changer l'état actuel des choses et sa destinée, l'avenir, tu es mort-né. Un mot qui n'a plus de sens de nos jours. Pour nous les jeunes, on pense seulement à quoi faire pour ne pas être à jeun le lendemain matin. Putain, l'esclavage mental éclate ma tête, me rend fou à faire la fête pour que dalle. Au but, on baisse des putes, agressivité en augmentation. Pousse le son, ça devient bon quand je balance le couplet sur les dirigeants, celui dans lequel je dois dire un truc du genre: regardez-moi bien, bande de putains, car si je claque mon refrain, c'est pour lever une armée. Cette population que vous traitez comme des chiens, que vous considérez comme des moins que rien, c'est avec ces gens-là dans mes rangs que je vais mener la guerre de demain. Tends-toi au pire dès à présent. Ah, car si je respire, c'est pour vous détruire, vous et vos sbires. Brisez la spirale, lâchez le râle qu'on a au fond de la gorge. Qu'on a au fond de la gorge. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Égorgez ta femme et tes gosses après avoir violé ta grosse. Et si tu crois que quand je dis que je suis fou, je me fous de toi, c'est que t'es encore plus fou que moi. On fantasme sur votre mort. La mort pour nous représente la libération. La puissance d'Al-Qaïda n'est rien à côté de notre rage. On rêve de voir un juge torturé, pleurant, suppliant d'arrêter celui-là même qui a condamné cet innocent basé sur des lois, quoi. Durant 10 ans enfermé, seul dans mon délire. Les choses empirent, je contrôle, ne contrôle plus. Hors contrôle, je frôle l'asile. Je balance des connards plus rapidement que je dis bonjour, car l'agression est perpétuelle. Putain de duel intérieur à trop réfléchir. On se déchire, on s'enterre, on se perd, on se terre. On fuit les regards et les rires. L'angoisse qui agresse, qui nous berce. On est rassuré chaque jour de subir ce mal. Maso, ski dans mon zoo, paranormal. Spirale, banale, maladie mentale qui vous lâche pas. C'est la faucheuse qui nous torture, qui souhaite nous avoir à l'usure. Et usé, je le suis, je sue dans la suie, l'usine, sans jamais vraiment voir le jour. Comme enfermé dans une cave, on finit épave à 24 ans. Je veux juste niquer des dents, baiser des salopes et foutre la merde pour détruire mon environnement social. Tout faire pour enrayer la machine à coups de machine à son. La cadence qui augmente toujours plus. Plus de profit, plus de dégâts, plus de destruction, plus de pollution, plus d'agression, plus de manipulation, plus de mensonges, plus du tout de démocratie, mais une démocrature, sorte de dictature où l'information vous noie la vérité au milieu de conneries. Infantilisation provoquée par la médiatisation. On rêve d'un autre monde. On rêve d'un autre monde. On rêve d'un autre monde.